Cinquième partie, chapitre 15, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Cinquième partie, chapitre 15. Affection générale sur les considérations précédentes pour conclure tout cet exercice. Ô chère résolution, je vous regarde comme le bel arbre de vie que mon Dieu a planté au milieu de mon cœur et que mon Sauveur veut arroser de son sang pour lui faire porter de bons fruits. Plutôt 1000 morts que de permettre qu'il soit déraciné de mon cœur. Non, ni la vanité, ni les délices de la vie, ni les richesses, ni les afflictions ne me feront pas changer de dessein. Hélas, Seigneur, je dois cet avantage à votre paternelle bonté, qui a choisi mon cœur, toute méchante terre qu'il était, pour porter des fruits dignes de vous. Combien y a-t-il d'âmes qui n'ont pas eu ce bonheur, et puis-je jamais m'humilier assez sous la main de votre miséricorde? Ô délicieuse et sainte résolution, si je vous conserve, vous me conserverez. Si vous vivez en mon âme vivra en vous. Subsistez donc à jamais dans mon cœur, aimable résolution, qui êtes éternelle en la miséricorde de mon Dieu. Soyez et vivez éternellement en moi, et que jamais je ne vous abandonne. Après ces affections, il faut particulariser ici les moyens de bien soutenir vos chères résolutions. Ce sont principalement le fréquent usage de l'oraison et des sacrements. Les bonnes œuvres, le soin de vous corriger des fautes que vous avez reconnues, la fuite des mauvaises occasions et la fidélité à suivre les avis qu'on vous donnera. Enfin, protestez vivement et 1000 fois que vous persévérerez en vos résolutions, et comme si vous teniez votre cœur entre vos mains, présentez-le à Dieu pour le lui consacrer et sacrifier entièrement, lui disant que vous le laissez entre les siennes, que vous ne voulez jamais le reprendre et que vous suivrez en tout et partout sa sainte volonté. Priez Dieu qu'il vous renouvelle entièrement, qu'il bénisse et qu'il soutienne par la force de son esprit cette rénovation. Et invoquez sur cela la Sainte Vierge, votre ange, les saints, Saint Louis et les autres. Allez dans cette disposition, d'un cœur ému par la grâce, aux pieds de votre Père spirituel. Accusez-vous des fautes principales que vous auriez remarquées dans votre confession générale, et ayant prononcé devant lui et signez la même protestation que vous fîtes alors, recevez-en l'absolution, avec les mêmes sentiments. Enfin, allez unir votre cœur ainsi renouvelé à son principe et à son Sauveur, dans la participation du Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Fin du chapitre 15, cinquième partie.